بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الدعوة السلفية باليمن على plaisir de vous présenter ملخص الفقه باب الصيام للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Le résumé de la jurisprudence chapitre du siyam par Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Expliqué et commenté par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji, hafizahullah ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit en profit pour l'islam et les muslimines. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa min tabi'a atharahum wa ktafa. Amma ba'da fin nasdaq al-hadithi kitabullah wa khayla hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة أما بعد. Donc inshallah on va faire une petite révision de ce qui a pu être évoqué dans le cours du vendredi dernier. On a pu voir par Tawfikum yani tout ce qui était en rapport par rapport à la définition du siyam et son jugement, c'est-à-dire est-il obligatoire ou pas. Tamam. On a pu voir à travers la parole de Cheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, comme il l'a évoqué dans son livre, que Siyam Shahr Ramadan, Siyam Shahr Ramadan, c'est une chose qui est obligatoire. Tamam. Cette obligation-là, elle a été évoquée dans le Kitab de la Sunnah. Walijma' qala subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Tamam. Celui qui d'entre vous tamam assiste à ce mois, qu'il jeûne. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam buniya al-islam 'ala khams wa kadhalika al-adilla 'ala dhalika min al-ijma'. كما نقله شيخ الفوزان حفظه الله تعالى وقال ça fait partie des choses qui sont connues de la religion, tamam, connues de la religion. Celui qui le refute, qui refuse l'obligation, bien qui le renie, tamam, est un kafir كما هو معروف هذا. On a pu voir كذلك la définition du siyam, tamam. As-siyam fi al-lugha, on avait pu dire que yani il avait deux معنى dans l'lugha, dans le sens linguistique, il avait deux sens. Le premier sens c'était quoi? Al-imsak, c'est-à-dire de se retenir. Et deuxième sens, c'était quoi? Al-rukut, c'est le fait yani de stagner, yani sur un endroit. Tam fait yuqal li sa'im sa'iman, yani celui qui se rapproche auprès d'Allah Azza wa Jal par le siyam qui est connu. Il est dit sa'im parce que dans la langue arabe, ça converge avec le sens qu'il se retient sur les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit de faire pendant au cours de siyam. Ok, dans les cas, dans l'aura, tu dis une personne qui est qa'im, qui est debout, qui est sa'im. Pourquoi? Parce qu'il reste. Naam, il observe yani le même endroit où il est, yani al-rukud fi al-lugha al-arabiyya. On a pu voir kadhalika fi al-shara', yani c'est-à-dire dans le sens conventionnel de l'islam, que as-siyam c'était quoi? Kama qala naam al-imam Nawawi, tamam, fa huwa misakun makhsusun bi sifatin makhsusa, tamam, min zamanin makhsus ala ashkhasin makhsusa. Wa qala al-shaykh al-Uthaymeen yuzad 'alayhi yani ataqarrub ila Allah azza wa jalla. Donc c'est le fait de se retenir sur une chose de manière bien spécifique, dans un moment bien spécifique, tamam, dans un mois bien spécifique, à des personnes qui sont bien spécifiques pour cela. Et Cheikh Al-Asami nous dit qu'il fallait rajouter à cette définition là yani barakallahu fikum yani que cela doit être fait yani pour l'ibada ta'abbudan comme qalahu rahimahullahu ta'ala. Ça c'était à peu près ce qu'on a pu voir la semaine dernière, plutôt vendredi dernier. Ça a tourné beaucoup autour de cela. Et puis la hitma pour laquelle elle a été légiférée, on a pu l'évoquer dans le premier cours, même à travers les bienfaits et les mérites, les vertus de jeûner. Inch'Allah, nous wasil ad-dars. Qala rahimahullah, qala hafidhahullah ta'ala. Wa yabtadi'u wujub as-sawm al-yawmi bitulu' al-fajr al-thani, wa huwa al-bayad al-mu'taridu fi al-ufuq, wa yantahi bi ghurub al-shams. قال الله سبحانه وتعالى فالآن بشروهن يعني الزوجات وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي أن يتضح بياض الليل من سواد النهار. Dans ce paragraphe-là, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, donc il nous fait part dans ce paragraphe-là, du moment à partir duquel As-Siyam commence. Il nous dit, يَبْتَدِئُ وُجُوبَ الصَّوْمِ الْيَوْمِ بِطُلُوعَ الْفَجْرِ الثَّانِي. Il nous dit que l'obligation du jeûne, elle incombe, elle est impliquée à toute personne à partir du moment que le fajr, le deuxième fajr, la deuxième aube, se lève. Ce qui est voulu dans la parole de Cheikh Al-Fawzan, c'est-à-dire le jeûne qui est fait pendant la journée, on ne peut pas comprendre, il n'y a pas de sens, ou plutôt une compréhension inverse à ce qu'il a été évoqué, c'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre à travers cette parole-là qu'il y a un siyam qui est fait la nuit. Qu'il y a un siyam, c'est ma'rouf, c'est dans la journée. Qu'il n'y a pas de siyam pendant la nuit. Donc on ne peut pas prendre une compréhension par rapport lorsqu'il dit Soum al-Yawmi, qu'il y a un siyam qui est Layli. Là. Yani Yawmi huna, c'est ma'rouf dans la langue arabe, c'est une sifa kashifa. C'est une sifa kashifa, c'est un qualificatif qui vient apporter un ta'kid, qui vient affirmer une chose, qui est bien ma'rouf. كما في قال سبحانه وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Et celui qui invoque avec Allah subhanahu wa ta'ala un autre que lui sans preuve, pour cela il aura à rendre compte auprès de son Seigneur يوم القيامة. يعني tu peux pas prendre كذلك de cette ayah pour dire que si jamais tu as une preuve qui t'autorise d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux adorer autre qu'Allah azza wa jalla. C'est pas, il n'y a pas de compréhension inversée dans ce verset-là. Donc c'est la même chose pour la parole de Cheikh Al-Fawzan, wujub as-sawm al-yawmi, tu ne peux pas comprendre qu'il y a quoi. Il y a un sawm layli, c'est-à-dire un jeûne dans la nuit, comme il n'y a pas de preuve que tu peux trouver pour pouvoir t'autoriser l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li'adha billah. Donc tout cela, c'est ma'rouf, dans la langue arabe, ça s'appelle sifatun kashifa, c'est un qualificatif qui est utilisé et employé pour appuyer une chose qui est bien ma'rouf, pour appuyer une chose qui est bien connue. Qala hafidhahullah ta'ala bitulu' al-fajr al-thani. Il nous dit que le siyam, il commence à partir du deuxième aube. Donc on comprend par cela qu'il y a deux aubes, le premier et le deuxième. Et il a qualifié ce deuxième aube comme étant c'est-à-dire la lueur blanche qui apparaît à l'horizon. Cette explication-là, du Fajr al-Thani, c'est-à-dire du deuxième aube, c'est-à-dire que c'est une lueur blanche qui apparaît sur l'horizon, il a été pris du hadith, ou plutôt du athar de Jabir ibn Abdillah, radiallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit Al-Fajru Fajran. فأما الفجر الأول يكون كذنب سرحان قال النووي رحمه الله تعالى أسرحان هو الذئب فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام قال أما الثاني أما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. Donc جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه dans ce athar il ne fait pas que le fajr, ou plutôt l'aube, il est de deux. Le premier aube, il nous dit, il est semblable à la queue du loup. Il dit, à partir du moment où tu vois cette aube-là, la prière n'était pas permise, c'est-à-dire salat al-fajr, lakin, il n'était pas interdit de pouvoir manger, c'est-à-dire as-sahur, pour prendre cette baraka, afin que tu puisses jeûner. Et il nous dit, quant au deuxième, c'est celui qui est étalé sur l'horizon, il dit celui-là, ce fajr-là, le deuxième, il autorise la prière, al-fajr, et il interdit aux jeûneurs de pouvoir consommer les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a légiférées avant l'aube. Ce hadith-là, il a été rapporté par Ibn Khazayma, ou plutôt par Al-Hakim, et certains des ulama, comme c'est le cas de Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a évoqué ce hadith, que ce athar-là, il a été attribué au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il nous dit, ce texte-là que je viens de vous réciter, il nous dit qu'il est connu, il est attribué au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Lakin, ce n'est pas le cas. Comme l'ont dit les deux imams du hadith, Ad-Darqutni, kazalika l'imam Ibn Khazayma, que ce hadith-là, il est mawquf, c'est-à-dire qu'il est attribué à un sahabi qui est Jabir ibn Abdullah, et pas attribué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est authentifié de Jabir ibn Abdullah qu'il a dit cette parole-là, et non le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Car comme l'a dit Ibn Khazayma, rahimahullahu ta'ala, رفع هذا الحديث أبي أحمد الزبيري أو الزبيري ولا يعرف في الدنيا غيره ورفعه. Il dit on ne connaît d'autres personnes que Abu Ahmed al-Zubayri qui a attribué ce hadith-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer que ce hadith-là, yani lorsqu'il, ou plutôt le fait de dire qu'il a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une erreur. C'est une erreur dans laquelle qui n'a été connu que de ce rapporteur-là, comme l'a dit Ibn Khazayma. Donc ce hadith-là, faites bien attention, il n'est pas attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a prétendu Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Lakin, ce hadith-là, il est quoi? Il est, ou plutôt ce athar, il est mouquf ala Jabir ibn Abdullah, radiyallahu ta'ala anhu. Lakin, yani, les ulama, ils sont tous unanimes sur ce que importe yani, ce texte-là, parmi les jugements et parmi les règles. Tamam? Même si jamais il n'est pas attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ulama, ils sont tous unanimes sur le texte qui comprend ce athar-là de Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu. Donc ils l'ont pris pour le mettre en application. L'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dans l'explication de ce hadith, ou plutôt de ce athar, il dit ce athar-là, il indique que l'aube est de deux catégories. Le premier aube qui est appelé al-fajr al-kadib, le faux aube, celui qui n'est pas authentique, c'est pas le vrai aube. Tamam? Il dit un deuxième aube qui est appelé al-fajr al-sadiq, le véritable aube. Il dit quant au premier aube, il y en a quelles sont ses caractéristiques. Il dit, il apparaît dans les cieux en longueur. Tamam? En longueur. Puis il disparaît et l'obscurité a refait place après qu'il ait apparu. Il dit quant au deuxième aube, tamam, al-fajr al-sadiq, il dit, c'est cette aube-là par laquelle sont liés les jugements et les règles du siyam et de la prière. Tamam, c'est pas le premier, lakin c'est le deuxième. Amma le premier, ob bil idma, c'est-à-dire par unanimité des savants, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune barakat lofiko, il n'y a aucun jugement qui est relatif à la prière et au siyam qui est lié avec le premier ob. Ça c'est bijma al-muslimin. Amma le deuxième ob, naham, comme l'a dit Jabir ibn Abdullah, à partir du moment que le deuxième ob s'est levé, tamam, tu ne peux plus manger, lakin il est autorisé, plutôt il était obligatoire de te préparer pour la salat, car est venu le temps de la prière. Tamam? Est venu le temps de la prière. Le deuxième aube, c'est par lequel yani est lié les jugements de la salat et du siyam. De la salat et du siyam. Lakin yani, le deuxième aube, ou plutôt le premier aube, il a une hikmah. Tamam? Comme cela a été évoqué dans le Sahih al-Bukhari, min hadith ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, la yamna'an ahadukum أذان بلال من السحور فإنه ينادي بليل ليرجع القائم ولينبه نائمكم. Donc ce hadith authentifié rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le adhan de Bilal, c'est-à-dire le premier adhan pour le premier aube, il nous dit que ce premier adhan ne vous empêche pas ou n'empêche pas à celui qui veut jeûner de prendre son sahour, c'est-à-dire le repas qui est légiféré et qui est recommandé pour le sa'im lorsqu'il veut jeûner. Il nous dit à Bilal, فَإِنَّهُ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ الْقَائِمِ وَلِيُنَبِّهَا نَائِمَكُمْ. Il dit Bilal, il fait l'adhan, il appelle les gens à la prière à ce moment-là, au premier aube, afin que celui qui est en train de prier la nuit, il se repose et que celui qui est en train de dormir, yani qu'il soit averti que Al-Fajr, yani il est proche, que le Fajr, il est proche. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans l'explication de Sahih Al-Bukhari, il a évoqué certaines différences par lesquelles tu peux différencier le premier aube du deuxième aube. Il a évoqué pour cela trois différences. La première différence nous dit que le fajr as-sadiq, c'est-à-dire le deuxième aube, yamtad fi al-urd fi al-ulu. Il nous dit lorsqu'il apparaît le deuxième aube, tamam, il apparaît en largeur. Il apparaît en largeur dans les cieux. Tandis que al-fajr al-kadib, celui auquel les règles du siyam ne sont pas liées, il nous dit lorsqu'il apparaît, il apparaît en longueur. Il apparaît en longueur comme il a évoqué Jabir ibn Abdillah radiallahu ta'ala anhu. Deuxième différence, il nous dit que al-fajr al-kadib, c'est-à-dire le premier aube, yakun ba'dahu dhulam. Lorsqu'il apparaît, ensuite il va être amené à disparaître. Lorsqu'il disparaît, la nuit revient. La nuit revient après cela. وأما الفجر الصادق c'est-à-dire le deuxième fajr, le deuxième aube, il nous dit qu'après cela il apparaît quoi? Une lueur. Il apparaît une lueur. La troisième différence, il nous dit الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلم. Il dit qu'entre le premier aube et l'horizon, il dit que tu vois entre les deux qui s'installe une obscurité. Une lueur blanche apparaît et entre l'horizon et cette lueur blanche, tu vas voir qu'il y a quoi ? Il y a une obscurité. Et il dit quant au Fajr al-Sadiq, le deuxième aube, il n'y a pas entre l'aube et Bartlofikum, l'éclat de ce, du Fajr, de l'aube, il dit il n'y a pas entre les deux quoi ? Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a que de la lumière entre les deux. Il n'y a pas d'obscurité. Ça, c'est parmi les caractéristiques afin de pouvoir différencier le premier aube du deuxième aube. Et ça, c'est important car, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, c'est par le deuxième aube que tu sais, ou plutôt il y en a que sont liés les jugements et les règles du siyam. Donc il est important de savoir à partir de quel moment commence le jeûne. À partir de quel moment commence le jeûne. Et comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, bitulu' al-fajr al-thani wa huwa al-biyad al-mu'taridu fil ufuq. Wa qala rahimahullahu ta'ala, وينتهي بغروب الشمس. Il nous dit, après nous avoir évoqué à partir de quel moment commence le siyam, il nous a évoqué à partir de quel moment se termine le siyam de la journée. Il nous dit, s'arrête, ou plutôt il s'achève par le coucher du soleil. Et cela, tout en conformité avec le hadith de Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alayhi, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي رواية لمسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Dans ce hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait part que lorsque la nuit vient de ce côté-là, qu'est-ce qu'il voulait par là, c'est le Mashariq, c'est-à-dire l'Orient. Lorsque la nuit commence à apparaître de l'Orient, à venir de l'Orient, ou adbar al-nahar minhauna, et que le jour disparaît du Maghrib, c'est-à-dire de l'Occident, il nous dit c'est à partir de ce moment-là qu'il est légiféré à celui qui jeûne de pouvoir rompre son jeûne. Et dans la version de l'imam muslim, il nous dit lorsque la nuit vient de ce côté-là, c'est-à-dire de l'Occident, plutôt de l'Orient, et que la journée afwan, part ou disparaît de l'Occident et que le soleil s'est couché, c'est à ce moment-là qu'il est légiféré à celui qui jeûne de rompre son jeûne. Et les imams Ibn Rushd, Al-Hafidh Ibn Hajar, l'imam Shoukani, rahimahullah ta'ala, rahimahumullah, ils ont rapporté les jumeurs sur cela. Que les savants sont tous unis sur le fait que, à partir du moment que tu es sûr que le soleil s'est couché, à partir de, il était légiféré à ce moment-là de rompre ton jeûne, et cela, il n'y a pas des divergences entre les savants de l'islam, excepté les chiites. Les chiites, ils ont dit, à partir du moment que les étoiles elles apparaissent, c'est à ce moment-là que le jeûneur, il peut rompre son jeûne. Lakin les chiites, c'est ma'arouf, khilafuhum fi al-masail al-fiqhiyya, la yu'tabar. Les chiites, c'est pas des savants sur lesquels, ou plutôt dont leur position, elles ont un poids dans la jurisprudence, même. Yani qu'ils sont avec nous, plutôt yani sawan wafaqu ou khalafu, tant que leur avis est juste ou bien que leur avis il est contraire, on ne doit pas porter considération à leurs paroles, car ce n'est pas des gens du fiqh, ce n'est pas des gens qui sont connus du fiqh. C'est des gens qui font précéder un naql ala, ou plutôt l'aql ala naqs. C'est des gens qui font précéder la raison au dalil, comme c'est la preuve pour cela. Et c'est des gens qui sont ma'arouf, yani, fil kathir minhum la siyama fil ruafid, wa katalaka fil hawatha. C'est des gens qui ne prennent pas en considération, yani, la sunnah. C'est même pour eux, ce qui doit être pris en considération, c'est Mus'haf Fatima et Barthelofikum, toutes les riwayat qui sont madhoubah, qui sont inventées de Ali, radiallahu ta'ala anhu. Sur ces deux piliers-là se repose leur din. Et leur din, il est, comme le dit le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, le din d'Ar-Rafid, c'est Akdab, yani la diyan. C'est la religion et le culte qui est fondé sur le mensonge. Il n'y a pas un culte qui soit fondé sur le mensonge, comme c'est le cas du culte des Ar-Rafid wal-Hawatha, alayhim min Allah subhanahu wa ta'ala, al-la'na. قال رحمه الله حفظه الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن يعني الزوجات وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل dans le sens approché du verset cohabiter avec donc avec elle maintenant, c'est-à-dire les rapports tamam, ils étaient interdits aux personnes qui dormaient ou qui avaient prié l'Isha. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a allégé cette charge-là, cette communauté-là, et a allégé le fait que la personne, même si jamais elle dormait, ou bien qu'elle avait pris, l'Isha, elle a tout à fait le droit après cela de pouvoir consommer, tamam, que ce soit les plaisirs charnels ou bien que ce soit les aliments. Ça, c'est au verset-là, comme on a pu le voir dans le hadith Salamat ibn Akwa, rawahu muslim, qu'il est nasir, tamam, qu'il a aboli le siyam qui était légiféré avant. قال باشروهن يعني زوجات يعني c'est-à-dire cohabiter avec elles yani avec vos femmes وابتغوا ما كتب الله لكم et recherchez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit en votre faveur وكونوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit ثم اطيموا صياما الى الليل puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc ce yani Cheikh Al-Fawzi hafizahullah ta'ala a pris cette ayah là pour nous affirmer ce qu'il a évoqué auparavant, c'est-à-dire le début du jeûne et lorsqu'il s'achève. Et ceci a été déduit dans la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit "Wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-aswad al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr." Buvez et mangez, ou plutôt mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc au fil, le fil blanc, du fil noir, de l'aube. Dans cette ayah, comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a limité les débuts du jeûne et la fin du jeûne. Qu'il débute, yani, du fajr al-sadiq, et ça c'est bilijma, comme on a pu le voir, et il se termine lorsque la personne est à la peur, lorsque tu peux, ou plutôt différencier, le fil noir du fil blanc. Et ce qui est voulu par le fil noir du fil blanc, c'est ma'rouf, comme a dit le subhanahu wa ta'ala, thumma timmu as-siyama ila al-layl. Accomplissez le jeûne, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la fin de la nuit. Ce qui est voulu par ces fils-là, c'est même c'est la lueur de la journée, et la lueur de la nuit. Le début de la nuit et le début de la journée. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'on a pu évoquer avant, idha aqbala al-layl min ha-huna wa adbara al-nahar من ها هنا تمام الخيط الأسود في الليل والخيط الأبيض سبارك فيكم النهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة أفين pour expliquer الكتاب وحتى الكتاب il a bien expliqué par lui-même car Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم أتم الصيام إلى الليل donc il y a ce qui est voulu ici tamam, c'est pas les lacets lakin c'est la nuit et le jour car elle a été rapportée dans Asbab al-Nuzul, c'est-à-dire dans les livres dans lesquels il est recueilli les causes pour lesquelles yani Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu certains versets. Selon Sahl ibn Sa'd, dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, qui dit Lamma unzilat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad al-aswad min al-khayt al-abyad min al-fajr, dans cette ayah-là que Cheikh al-Fawzi a évoqué, قال لم ينزل من الفجر il était pas évoqué et année avant Al-Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a révélé cette ayah, en premier lieu, il n'avait pas évoqué Min Al-Fajr, de l'aube. قال فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل ويشرب حتى يتبين له أحدهم في رجله ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار رواه مسلم ضد الحديث لا بد من أثر سهل ابن سعد nous informe et nous raconte yani comment les sahaba ils avaient compris cette ayah là avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala y révèle min al-fajr, de l'aube. Mangez et buvez, kulu washrabu, mangez et buvez, jusqu'à ce que se distingue le fil noir du fil blanc de l'aube. Avant, il n'était pas évoqué de l'aube. Il disait, l'un d'entre nous, il mettait, ta maman à ses pieds, un fil blanc et un fil noir. Et il ne cessait de manger et de boire jusqu'à ce qu'il puisse distinguer, c'est-à-dire pendant la nuit, ta maman. Et quand est-ce qu'ils arrêtaient de manger, c'est-à-dire qu'ils se mettaient en état de jeûneur, à partir du moment où il arrivait à distinguer, à faire la différence entre quoi, le fil noir et le fil blanc, même si jamais cela pouvait amener à ce qu'aboutir à ce que, on va dire ça comme ça, il n'avait que la capacité de pouvoir différencier entre ces deux fils là à 10h du matin, on va dire ça comme ça, lui, à partir du moment que ses yeux pouvaient faire la différence entre les deux fils, à partir de ce moment là ils arrêtaient de jeûner, ils arrêtaient plutôt de manger, ils se mettaient en état de jeûne. Puis Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur eux min al-fajr, afin qu'ils sachent que ce qui est voulu par le fil noir du fil et le fil blanc, c'est la nuit et le jour. Il dit ثُمَّ عُلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَنِي عُنِيَ بِذَلِكَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, rapporté par Muslim. Puis lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre min al-fajr, à partir de l'aube, ils ont su gagner que Allah subhanahu wa ta'ala voulait par le fil noir la nuit et le fil blanc la journée, quand même le fil blanc la journée. قال رحمه الله تعالى ويبدأ وجوب الصوم صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. Il nous dit à partir de quel moment que l'obligation de jeûner est impliquée, est obligée à toute personne, à tout musulman qui a la capacité pour cela. Il dit à partir du moment où ils sont rentrés dans le mois de Ramadan. À partir du moment où ils sont rentrés dans le mois de Ramadan, à ce moment-là, il doit commencer à jeûner. Et l'ijma', il a été évoqué sur cela. Comme l'a rapporté l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, il nous dit que les savants sont tous unanimes qu'à partir du moment, ou plutôt il y en a qui n'est pas légiféré de jeûner un jeûne obligatoire en dehors de Ramadan, yani en dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré. Amma les jeûnes que la personne, comme ils appellent ça, yani ils appellent ça le soum al-nadr, c'est-à-dire lorsqu'il s'inflige à lui-même l'obligation de jeûner, lorsqu'il fait un vœu, il dit si jamais Allah fait, il s'inflige à lui-même un vœu de jeûner à partir du moment qu'il a fait ce vœu-là, comme c'est ma'ruf, inshallah, à partir du moment qu'il fait ce vœu-là, la chose dont il a fait le vœu, elle est pour lui obligatoire. Lakin, la chose, ou plutôt le siyam qui a été légiféré par Allah Azzawajal, elle est obligée, il n'y a que siyam en Ramadan. Donc il dit, Cheikh, ou plutôt l'imam al-Nawawi, que les savants sont tous unanimes, qu'il n'y a pas d'autre mois en dehors de Ramadan dans lequel il est obligatoire de jeûner dans l'islam. Donc ceci nous prouve qu'il faut jeûner à partir de quoi? De Ramadan. Qu'il faut jeûner à partir de Ramadan, à partir de la personne, qu'à partir du moment que la personne rentre dans le mois de Ramadan. Donc comme c'est ma'ruf fil l'ura et kadhalika fil shar' wa kadhalika fil aql, que si jamais tu jeûnes avant Ramadan ou tu jeûnes après Ramadan, on ne peut pas dire que tu t'es impliqué au pied de l'arme, tu t'es conformé à l'obligation qui est incombe de faire. Car c'est ma'ruf dans l'ura et dans l'islam et kadhalika. Toute personne douée de raison, il va te dire que si jamais tu jeûnes avant ce mois-là, tu n'as pas jeûné ce mois-là. Et ni si jamais tu as jeûné après ce mois-là, que tu as jeûné ce mois-là. Donc, ceci nous prouve qu'il est obligatoire de jeûner pendant Ramadan et il y a un ijma' par rapport à cela. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa lil'ilmi bidukhulihi thalathu turuqin. Quand on voit qu'ils sont légiférés afin de savoir quand est-ce que tu es rentré dans le mois de Ramadan, il nous dit, tu as trois manières pour cela, de faire. Il dit, At-tariqatu al-ula ru'yatu hilalihi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Il dit, la première manière de faire afin de savoir que tu es rentré dans Ramadan, c'est que tu vois le croissant de lune. Tamam? À partir du moment que tu l'as vu, tu dois jeûner. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonne. قَالَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ. Celui qui a attesté que le mois est rentré, Ramadan, فَلْيَسُمْ. Donc, yani, الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى nous dit pour cela, c'est-à-dire afin de savoir quand est-ce qu'à partir de quel moment tu sais que tu es rentré dans le mois de Ramadan, il nous dit, tu as pour cela trois manières de faire. La première, c'est de voir le croissant de lune. À partir du moment que tu as vu le croissant de lune, il nous dit, à ce moment-là, il t'est légiféré, plutôt, yani, l'obligation t'incombe de jeûner. قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. Celui qui a testé de la vision, ou plutôt yani, que le mois, il est rentré, le mois qui est voulu dans cette ayah-là, c'est Ramadan, فليصم, comme on a pu le voir, parce que les savants sont tous unanimes qu'il n'y a pas d'autre siyam qui est légiféré en dehors du mois de Ramadan. Même si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas restreint le mois par Ramadan, le fait qu'on sache qu'il n'y a pas d'autre mois en dehors de Ramadan dans lequel il est légiféré et obligatoire de jeûner, yani, cela suffit comme l'ijma' pour nous faire comprendre que le mois qui est voulu ici, فَلْيَنَعَمْ مِنْكُمُ الشَّهْرَ الشَّهْرُنَا, c'est quoi? الصِّيَامُ رَمَضَانُ, plutôt, شَهْرُ رَمَضَانُ. وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, الدليل c'est quoi? Où il a déduit l'obligation? فَلْيَسُمْ, ou plutôt, نَعَمْ عَفْوَانُ, مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. Yani, il est voulu par là, comme le hadith, il va l'expliquer. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, سُمُّ لِرُؤْيَتِهِ. سُمُّ لِرُؤْيَتِهِ, le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim, comme c'est dans la Hashia, en bas de page. Donc il nous dit, النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, jeûner à sa vision, c'est-à-dire à la vision du croissant de lune. قال الشيخ الفوزان فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. Celui qui voit de lui-même le croissant de lune, il doit jeûner. Cet avis qu'a eu الشيخ الفوزان, c'est un avis parmi les autres. Car, inshallah, comme on va le voir, certains des ulama y voient que ce n'est pas forcément obligatoire, si jamais tu es tout seul et que tu as vu le croissant de lune, que le jeûne t'incombe, c'est-à-dire qu'il t'incombe de jeûner. Même si jamais le hadith, certains peuvent dire que le hadith, il est clair sur cela, soumou le ru'yatihi, jeûner à sa vision, c'est-à-dire le croissant de lune. Lakin, comme on va le voir, inshallah, à travers la parole de Cheikh l'Islam, Taymiyyat, rahimahullah ta'ala, c'est pas dans toutes les situations où tu as vu le croissant de lune, même si jamais tu l'as vu et que tu es une personne de thiqa, une personne de confiance, même, c'est pas dans toutes les situations qui étaient légiférées et que l'obligation t'incombe. Amma, si jamais la personne elle voit le, ou bien yani, tous les musulmans d'un pays, voient le croissant de lune, à partir de ce moment-là, yani, c'est ma'rouf, et ça, il n'y a pas de différence, pas de divergence sur cela, ils doivent jeûner, tous jeûner. S'ils l'ont tous vu, l'obligation incombe à toutes ces personnes-là de jeûner. Si jamais il l'a vu, aucune personne ne l'a vu, et que l'imam, barakallahu fikoum, il se contente de son témoignage. À partir de ce moment-là, kadhalika, à partir du moment que l'imam prend le témoignage de cette personne-là et ordonne aux musulmans de jeûner, kadhalika, il est obligatoire de jeûner. Si jamais, ça c'est la troisième situation, c'est celle où il y a une divergence, si jamais le musulman, kadhalika, afwan, kadhalika, si jamais le musulman, il est dans un pays, yani, qui est connu pour la mécréance, dans un pays, il n'y a que les koufars. Et c'est lui, il est tout seul, peut-être on va dire ça comme ça, c'est un cas, une âme qu'on laisse à supposer comme ça, si jamais il est tout seul dans un pays de koufars, si jamais lui-même, il a vu le croissant de lune, à partir de ce moment-là, kazalika, même si jamais il est tout seul dans ce pays-là, il doit jeûner. Il doit jeûner, car il a vu la lune, le croissant de lune, et comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, celui qui atteste que le mois est rentré de Ramadan, il doit jeûner. Donc dans ce cas-là, il doit jeûner car il a attesté sur lui-même d'avoir vu le croissant de lune, qui est une preuve et un signe qu'il est rentré dans Ramadan. Tandis que la personne, si jamais la personne maintenant, c'est la situation où il y a le khilaf, si jamais la personne a vu, il est tout seul à avoir vu al-hilal, le croissant de lune. Et que qaddar Allah ma sha fa'al, lorsqu'il vient informer les gens pour cela afin qu'ils puissent jeûner, ils disent on te croit pas. Il refuse de prendre son témoignage en considération. Son témoignage, il est rejeté. L'imam, il rejette son témoignage. Tout le monde rejette son témoignage. Cheikh Al-Fawzan, ce que tu comprends dans sa parole, il dit que lui, dans ce cas-là, il est obligé de jeûner. Même si ça met les gens, il ne jeûne pas. Lui, il est obligé de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il a vu Al-Hilal, le croissant de lune, le signe qui lui prouve que le Ramadan a commencé. والله سبحانه وتعالى يقول فمن شاهد منكم الشهر فليصم. Celui qui a vu le croissant de lune, tamam, ou a testé sur lui-même, ou bien informé, vient avec l'information que Ramadan est rentré, il doit jeûner. Il doit jeûner. Cheikh Fawzan, il voit que d'apparence, ces textes-là lui incombent, même si jamais il est tout seul de jeûner, de jeûner. Certains des ulama, comme c'est le cas de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et avant lui, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il voit que si jamais son témoignage il est rejeté par l'imam et rejeté par la plupart des gens de son pays, tamam, il dit dans ce cas-là, il ne doit pas jeûner. Même si jamais il l'a vu, même si Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à la personne qui l'a vu de jeûner, il dit dans ce cas-là, il ne doit pas jeûner. Pourquoi ? Car comme le dit Cheikh l'Islam et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, comme le dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-yawm al-yawm tasoumou. Al-yawm al-yawm al-ladhi tasoumoun. Il dit, le jeûne, celui qui est obligatoire de jeûner, c'est-à-dire le jeûne de Ramadan, c'est le jour où vous jeûnez tous ensemble. Donc le fait qu'il jeûne tout seul, il ne jeûne pas avec la communauté. Donc il dit ce hadith-là, c'est un dalil qui nous montre que même si jamais il l'a vu, et que les personnes, ils ne l'ont pas vu, et il se refuse de prendre son témoignage en considération, cette personne-là ne doit pas jeûner, car le jeûne, c'est le jour où vous jeûnez ensemble. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a rajouté à cela que Al-Hilal, c'est-à-dire le croissant de lune, il est connu dans la langue arabe pour une chose qui est quoi? Apparente et connue. Il nous dit comment une personne peut attester d'une chose, même s'il l'a vue, ou plutôt Afwan, il dit même si jamais la personne elle atteste même d'une chose, ou plutôt du croissant de lune, qu'il l'a vue, et il nous dit les gens, si jamais ils ne prennent pas sa parole en considération, parce qu'ils ne l'ont pas vu, ils disent dans ce droit-là, dans ce cas-là, ils ont un droit. Même si jamais on sait que khabar al-wahid fait al-thiqat, c'est comment ça s'appelle, le khabar d'une personne. Marklafikum, ces paroles doivent être acceptées. Lakin, il dit, même si jamais on prend le cas, les gens, ils l'ont peut-être, on va dire, injustement, il y en a démenti, il dit dans ce cas-là, il ne doit pas jeûner. Pourquoi? Parce que al-hilal, il dit le croissant de lune, c'est une chose qu'il dit dans l'arabe pour être connue, tamam, et répandue. À partir du moment où c'est pas répandu, c'est pas connu, c'est pas voyant pour tout le monde, on dit, dans ce cas-là, là, les gens, ils ont deux arguments avec eux pour y ne pas prendre en considération sa parole, c'est-à-dire que l'imam n'a pas donné l'autorisation de jeûner, tamam, et deuxièmement, al-hilal, elle n'est pas voyante. Elle n'est pas voyante, parce que c'est cette chose-là, elle dit pour une chose qui est voyante et apparente. Et cet avis-là, wallahu a'lam, c'est l'avis qui paraît le plus juste. C'est-à-dire que même si tu vois le hilal et que tu es tout seul, et que les gens n'ont pas vu le hilal, et qu'ils ne prennent pas en considération ton khabar, ton information, dans ce cas-là, il est interdit de jeûner. Car le prophète sallam l'a dit, le jour où on jeûne, ou plutôt le jeûne, c'est le jour où vous jeûnez tous ensemble. Donc ce hadith-là, il a à prendre en considération, la personne ne doit pas jeûner tout seul, comme l'a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah. Comme c'est connu, on ne connaît pas de personnes qui, lorsque c'est Yom al-Eid, Yom al-Adha, c'est-à-dire le jour de sacrifice, on ne connaît pas une personne qui va faire le jour de sacrifice tout seul. Toute la communauté, elle n'est pas en train de sacrifier, tamam, pendant le hajj, et toi, tu es en train de sacrifier tout seul. Il dit ça, c'est pas ma'rouf, c'est pas une chose qui est connue. Il dit la même chose pour Siyam. As-Siyam, il doit être fait lorsque quoi? Marklafikum, lorsque on jeûne tous ensemble. Ça, c'est Siyam, on voit qu'il y a un khilaf entre la communauté, tu jeûnes avec la communauté, même si jamais tu sais au fond de toi que tu as raison, délaisse la division, pour te regrouper avec la communauté. Et le péché est sur ceux qui t'ont démenti et non pas sur toi. Toi, tu as fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète t'ont ordonné, c'est-à-dire de jeûner avec la communauté. Tamam. Et c'était un petit tambi à faire par rapport à Ru'yah, par rapport au fait lorsque tu vois le croissant de lune. Qala rahimahullah ou hafidhahullahu ta'ala. Ou, قبل هذا, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit, les personnes qui utilisent pour cela, c'est-à-dire pour voir le croissant de lune, qu'ils utilisent des télescopes, ou bien autre appareil qui est performant, qui te permet de voir ce que tu ne peux pas voir à l'œil nu, il nous dit, ces appareils-là, si jamais tu les utilises, c'est bien. Lakin, est-ce que c'est une obligation? Mais c'est là, on va dire qu'il y a du brouillard, il y a des choses qui t'empêchent, le ciel est nuageux, tu as des choses qui t'empêchent de pouvoir vraiment voir exactement ce que le croissant de lune est présent ou pas. il dit dans ce cas-là, il n'était pas obligatoire de prendre un télescope ou pas. C'est-à-dire que si on t'oppose de faire cela et toi tu ne le veux pas, tu n'es pas obligé de te conformer à l'ordre. Car il nous dit, la sunna, d'apparence, c'est quoi? C'est que les gens, ils prenaient plutôt, ils se contentaient de témoigner, d'attester de cela, de la vision du croissant de lune, et de se contenter pour la vision de cela, à l'œil nu. Donc si jamais tu le fais, c'est bien, mais si jamais on t'oppose, c'est pas une chose qui est obligatoire. Kadalika, parmi les mas'alas qui sont les sujets qui sont importants d'évoquer, c'est la mas'ala, est-ce que si jamais, comme c'est le cas, d'un grand khilaf qui revient à chaque fois dans les pays musulmans, ou plutôt à un moment du jeûne, est-ce que lorsqu'un pays voit Al-Hilal, et il te fait, comme c'est le cas maintenant avec la télévision, comme c'est le cas avec Matanan Saoudia, elle voit le croissant de lune. On est en France, t'es au Maroc, t'es en Algérie, t'es au Yémen, t'as pas vu Al-Hilal, t'as pas vu le croissant de lune. Est-ce que, Yanni, tu dois te contenter de la vision de ce pays-là, ou bien tu prends pas en considération la vision de ce pays-là? Ça, c'est un khilaf qui est connu dans cette mas'ala-là. Ils ont divergé sur trois paroles. Laquelle l'avis qui est prépondérant et qui l'avis qui est juste, c'est qu'à partir du moment qu'un pays a vu Al-Hilal et a vu le croissant de lune, à partir de ce moment-là, il est obligatoire à la planète Terre entière de jeûner. T'as l'obligation, elle est valable pour tout le monde. Que ce soit un kafir ou pas, parce qu'on sait que le kafir, même s'il ne jeûne pas, il sera rétribué, sera naram, châtié au Yom Kiyamah pour avoir délaissé à Siyam, donc à la planète entière. Et il incombe de jeûner à partir du moment qu'un pays l'a vu. Et il nous fait part de cette attestation-là, comme c'est le cas maintenant avec la télévision. Il nous faut montrer des fois comme ça la télévision, ou bien il faut montrer Kadalika Barklofi comme dans les journaux, ou bien dans tous les médias, ou bien les intermédiaires pour cela. À partir du moment qu'un pays l'a vu, khalas, à partir de ce moment-là, il est obligatoire à la planète entière de jeûner. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Soumou li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez lorsque vous, à sa vision, et couper le jeûne à sa vision, c'est-à-dire jeûner lorsque vous avez vu le croissant de lune de Sha'ban. Le croissant de Sha'ban qui nous montre que tu es entré dans Ramadan. Et il nous dit, et il faut rompre le jeûne à sa vision, c'est-à-dire lorsque tu vois le croissant de lune de Sha'wal qui nous montre, qui nous prouve que Ramadan est fini et qu'on est rentré dans un nouveau mois. Donc le fait qu'il dit Soumou, c'est un ordre qui incombe à la personne qui l'a vu et à autre. Soumou le ru'yatihi. À partir du moment que vous l'avez vu, khalas, il est obligatoire, il est obligé de jeûner. À partir du moment qu'il y a un belat avec un imam derrière eux qui a obligé le jeûne, à partir de ce moment-là, la planète entière, le jeûne est obligatoire à la planète entière. Car khabar al-thiqat, les informations des personnes qui sont qualifiées comme étant des gens de confiance, on doit le prendre. Certains des ulama ils disent non, à partir du moment, si jamais tu l'as vu dans ton pays et moi je ne l'ai pas vu dans mon pays, moi je me contente de ma vision et toi tu te contentes de ta vision. Et d'autres ils disent à partir du moment si jamais le pays il est proche de l'autre, c'est-à-dire que ils ont comment ça s'appelle un matla' al-hilal, c'est-à-dire que le croissant de lune il se lève et on est au même endroit, à partir du moment que c'est comment ça s'appelle plusieurs pays se regroupent dans ces choses-là, c'est-à-dire dans l'endroit même où le croissant de lune il se lève, il dit à partir de ce moment-là tous les pays qui sont dans ce jeu, dans cet endroit-là, à partir de ce moment-là, même si jamais eux ne l'ont pas vu, à partir du moment qu'ils rentrent dans ce périmètre-là, ils doivent jeûner car ils sont dans le périmètre dans lequel le croissant de lune il se lève. À partir du moment qu'ils font partie du même périmètre, ils doivent quoi? Barakallahu fikoum, ils doivent jeûner. Et si jamais ils sortent de ce périmètre-là, ils ne doivent pas jeûner. Lakin ta maqal Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, ces périmètres-là, d'où ils les ont sortis? À partir de quelle limite ils ont limité? Sur quel kitab et quel sunna ils se sont basés pour fixer ces limites-là, pour fixer ces périmètres à ces barclofikum, à ces pays? Ça, c'est une chose qui n'est pas connue. C'est une chose qui n'a pas de norme. Donc, une chose qui n'a pas de norme et qui est inconnue dans le kitab et la sunna, on ne peut pas prendre cela pour faire un jugement qui est global et pour dire qu'à partir du moment que tu rentres dans ce périmètre, tu dois le faire, et ceci, cela. On n'a pas les limites. À partir de quel moment? 2000 km, 3000 km, certains ont évoqué, d'où ils ont tiré cela? À partir de quelle preuve ils ont déduit cela? Donc à partir du moment où c'est une chose qui sort de leur pensée, et même, c'est des pensées, c'est des points de vue. Un point de vue, ce n'est pas une chose sur laquelle tu vas faire un jugement et imposer tes frères musulmans de faire. Donc ce corps-là qui dit que lorsque tu es dans le même périmètre, tu dois jeûner, si même si jamais le pays qui est à côté, t'as même, il l'a vu, toi tu ne l'as pas vu, t'es dans, on va dire que tu es au Yémen, parce que c'est le même matla, on est au Yémen, la Saoudia, ils l'ont vu. Au Yémen, on ne l'a pas vu, on dit on doit jeûner parce que le Yémen, ils l'ont vu. Peut-être la Saoudia, ils l'ont vu, non. Nous, on le voit si jamais ils nous disent qu'ils ont vu la lune, le croissant de lune, Intaïna. On ne doit pas rentrer dans ces choses-là à partir du moment qu'on est dans le même périmètre, dans des choses qui sont inconnues, dans des limites qui sont inconnues. Donc cette parole-là, elle n'est pas à prendre en considération. Elle n'est pas à prendre en considération. Ils ont pris pour cela le hadith Ibn Abbas, qui est dans Muslim, dans lequel il nous informe que lorsqu'il a été informé que Muawiyah Ibn Abi Sufyan, Rahimahullah ou Ibn Hakam, Muawiyah, il a jeûné un jour avant lui. Et que Ibn Abbas, il a jeûné, ils ont jeûné, Muawiyah, il a jeûné le vendredi, Ibn Abbas, lui et ceux qui étaient avec eux, ils ont jeûné un autre jour, car ils étaient Fisham. Ils étaient Fisham et Muawiyah était fil Medina. Il était fil Medina. Lorsqu'il lui a été informé cela, ils lui ont dit, pourquoi tu t'es pas contenté de jeûner comme l'a fait Muawiyah, c'est-à-dire de jeûner, pourquoi tu ne prends pas en considération le jour où on a jeûné, c'est-à-dire à Medina. Il nous a dit, Ibn Abbas, Hakada, Amar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de faire. Et ils ont pris ce hadith-là, plutôt ce affaire-là, pour dire qu'à partir du moment où que tu es dans un périmètre autre que le pays dans lequel ils ont vu le croissant de lune, il n'était pas légiféré de jeûner car tu n'as pas vu le croissant de lune. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit de jeûner à partir du moment où tu vois le croissant de lune. Donc toi, tu ne l'as pas vu. Tu ne fais pas partie du périmètre dans lequel ils ont vu le croissant de lune, donc dans ce cas-là, tu ne jeûnes pas. Mais tu jeûnes le jour qui est à venir, si jamais tu vois Al-Hilal, ou bien si jamais le mois de Sha'ban il s'est fini sur 30. Lakin, les ulama, ils ont une interprétation par rapport à ce hadith-là. Comme l'a évoqué Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il nous dit, Ibn Abbas, lorsqu'il a dit, c'est ainsi que le prophète sallam a ordonné de faire, il dit, eux, ils ont compris que si jamais tu es dans un périmètre hors du périmètre, il y en a de ceux des personnes qui ont jeûné, et que tu n'as pas vu le croissant de lune, à partir de ce moment-là, tu ne dois pas jeûner, car le prophète sallam, selon ce qu'ils ont compris de la parole d'Ibn Abbas, il lui a ordonné de ne pas jeûner. Là, ils nous ont dit non. La compréhension juste de la parole d'Ibn Abbas, lorsqu'il lui a dit Hakada Amaran Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'à partir du moment que tu as débuté le jeûne de Ramadan, puis après, on t'a informé que, mathalan, les gens, toi, tu n'as pas vu, tu as débuté le mois de Ramadan, yani, car tu n'as pas vu le Hilal, tu as laissé 30 jours, enfin, yani, tu as laissé Sha'ban se finir sur un 30e jour, ensuite, le 31e, plutôt, yani, le jour qui est après, tu as jeûné parce que tu sais que tu es rentré dans Ramadan, comme on va le voir après, Inch'Allah. Toi, tu n'as pas vu le Hilal. Tu ne fais pas partie du périmètre dans lequel les gens ont vu le Hilal et ils ont jeûné. Puis, toi, tu as déjà jeûné, c'est-à-dire que tu as déjà commencé le jeûne, tu es déjà rentré dans le jeûne 5, 6, 7 jours, quand même. Tu es déjà rentré dans le jeûne, tu as déjà commencé bien à jeûner. Et ensuite, on te fait part que, en vérité, le jeûne, il a commencé le vendredi et non pas le samedi. Toi, tu l'as commencé le samedi. Donc, tu as un jour de retard. Il dit, Hakada Amar Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui à qui il a été informé, il a déjà commencé le jeûne de Ramadan. Et ensuite, on lui a informé qu'au fait, le Ramadan, il a commencé un jour avant lequel toi, tu as commencé. Il dit, à partir de ce moment-là, tu dois continuer ton jeûne. Et il n'était pas obligatoire, plutôt obligé, de prendre en considération ce qui a été vu dans les autres pays. Pourquoi ? Parce que toi, tu ne l'as pas vu. Parce que toi, tu ne l'as pas vu. Donc, les personnes qui sont dans le même cas qu'Ibn Abbas, et ça, il y en a dans notre époque, c'est difficile. C'est presque même impossible, car les médias, ils sont propagés. Tu as la télé, tu as la radio, tu as, sans pour cela dire qu'il faut regarder la télé, tu as même. Lakin, tu as des moyens, barakatoufikoum, de savoir que tu es rentré dans le mois de Ramadan, et surtout qu'un pays t'informe qu'ils ont vu la Hilal, comme c'est le cas de comme on a pu le voir, comme j'ai pu le constater moi, quand j'étais en France, tu as même avec. Lorsqu'ils voient le Hilal, ils le font montrer à la télé. Ils font montrer à la télé. Donc si en même temps tu es dans le même cas qu'Ibn Abbas, tu es coupé du monde. Tu n'as ni portable, tu n'as ni télé, tu n'as ni intermédiaire de médias pour savoir est-ce que c'est un pays à jeûner ou pas. Donc toi, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu te comptes tu regardes un Sha'ban. Si ça finit sur un 30e jour, 30e jour, le jour après, tu commences à jeûner. Même si jamais après, on t'annonce, on te dit, en fait, tu as un jour de retard, toi, tu continues ton jeûne. Tu continues ton jeûne et tu attends jusqu'à ce que tu vois le Hilal. Que tu vois le Hilal. C'est-à-dire que tu dois jeûner. Si jamais tu dois t'arrêter plutôt de jeûner, à partir du moment que tu vois le Hilal, ou bien à partir du moment que le mois s'est fini sur un 30e jour. Hein, cadre. Et c'est la compréhension juste de la parole d'Ibn Abbas, radiallahu ta'anhu, et non, pas comment ils l'ont compris, haoula, ceux qui ont dit que tu peux jeûner à partir du moment où tu es dans, tu n'es pas obligatoire de jeûner si jamais tu es dans un périmètre autre que le pays qui a vu le croissant de lune. قال رحمه الله تعالى الطريقة الثانية قال الشهادة على الرؤية والإخبار عنها. La deuxième, le deuxième moyen qui était légiféré, qui est légiféré pour savoir est-ce que tu es rentré dans le mois de Ramadan, c'est que les gens ils attestent et qu'ils ne te fassent pas qu'il a vu Al-Hilal. Donc le premier c'était que tu vois Al-Hilal. Le deuxième c'est que quelqu'un t'informe qu'il a vu Al-Hilal. Tamam? Ou bien qu'on t'informe cela. قال فيسام برؤية عدل مكلف ويكفي إخبارهم بذلك. Il nous dit à partir du moment qu'une personne atteste qu'il a vu le hilal et que c'est quelqu'un qui est adl, c'est-à-dire quelqu'un qui est connu pour l'équité, c'est-à-dire Al-Adl, c'est celui, c'est le muslim, Al-Baligh, c'est le muslim qui atteint l'âge de puberté. Et l'âge de puberté, c'est pas comme c'est le cas dans les pays des kuffars, c'est-à-dire à partir de l'âge de 18 ans. La puberté, tu l'atteins, il y en a sur trois choses, à partir de trois choses. Si jamais, tu atteins l'âge de 15 ans, comme cela a été authentifié dans le hadith d'Ibn Umar, lorsqu'il a voulu partir en expédition, et il avait, je crois, 13 ans ou 14 ans, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ne lui a pas autorisé, et lorsqu'il a eu 15 ans, il l'a autorisé, et Ibn Umar l'a dit, comme si jamais il voyait que j'avais atteint l'âge de puberté. Donc les ulama, ils disent que ça, c'est une preuve qui nous prouve que lorsque la personne atteint l'âge de 15 ans, à partir de ce moment-là, Yanni, il est compté comme une personne qui est pubère. Donc Yanni, à partir de 15 ans, c'est la puberté dans l'islam, et non pas 18 ans, comme c'est le cas dans les pays des kuffars. Et qu'à l'écart, à partir du moment où là, la femme, ça, c'est une alam, un signe qui est propre pour les femmes, à partir du moment qu'elle a ses règles, à partir du moment qu'une fille elle a ses règles, à partir de ce moment-là, Yanni, on peut juger qu'elle est pubère, même si jamais elle a 9 ans. Mais ça peut arriver qu'une femme peut avoir 9 ans, une fille peut avoir 9 ans et avoir ses menstrues. Yanni, elle est apte à pouvoir, être enceinte. Être enceinte. Et dit, à partir de ce moment-là aussi, qu'à l'écart, bilijmer, ça c'est, par l'unité des savants, que c'est une preuve et c'est plutôt Yanni, une alam, un signe que la personne, elle est pubère. Et la troisième des preuves, c'est à partir du moment où, comment on va expliquer ça, à partir du moment où yani, le mani il sort de lui, tellement qu'il est là, à partir du moment qu'il voit qu'il y a du sperme qui sort de son pénis, même, à partir de ce moment-là, on peut juger de cette personne-là, qu'il est kadalika pubère, et ils ont dit aussi kadalika par le quatrième signe, et ça c'est bilijmer, même. Et le quatrième signe, c'est un signe kazalika qui est propre à l'homme, c'est à partir du moment yani annahu yanbutu minhu ash'ar, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une moustache qui commence à pousser, ou bien autour de ses parties intimes, yani il y a des poils qui commencent kazalika à pousser, à partir de ce moment-là, tu peux juger cette personne-là qu'elle est pubère, même si jamais là, elle est 9 ans quand même. Et il nous dit kazalika, après il y a des âges, à partir du moment où on sait que la personne ne peut pas être pubère quand même. Donc une personne qui a 3 ans ne peut pas prétendre qu'elle est pubère, elle peut pas prétendre qu'elle est pubère. Et ça, c'est des choses, même si jamais on ne peut pas trouver ces halamas-là à partir de. Et on le trouve à partir d'un âge qui est marouf, il y en a à partir de 8-9 ans. Et ça, c'est aqal el-am. À partir de cet âge-là, c'est possible qu'on trouve ces signes de puberté chez l'homme ou la femme. Donc, il nous dit Fayusam beru'yati adlin mukallaf. À partir du moment où il est connu pour son équité, c'est-à-dire que c'est le muslim, donc ça sort de là, al-kafir. Al-adl. Yani, ça sort de là, celui qui est fasiq. L'adl, comme l'a dit l'imam Shafi'i, c'est celui qui est connu pour en bien. C'est-à-dire qui est connu que, dont yani, l'obéissance, elle est prépondérante à la désobéissance. Et qui est mukallaf, yani, qui atteint l'âge, comme on a dit, de pouvoir, dans les jugements de l'islam, lui sont avisés. C'est-à-dire que, al-na'im, ça ne lui est pas avisé. وكذلك celui qui est majnoun, celui qui n'est pas avisé, et كذلك الصبي حتى يبلغ, comme dit dans le hadith, il y a la personne qui est petite et qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, et mieux pas, on ne dit pas que c'est un mukallaf. Donc à partir du moment que c'est un musulman, qu'il est pubère et qu'il est connu en bien, c'est-à-dire qu'il est connu pour faire son obéissance, à prendre le pas sur la désobéissance, hein, ça peut dire qu'il ne fait pas de péché, et à partir de ce moment-là, son khabar, ce qui te dit, tu dois le prendre en considération. Il dit à partir qu'une personne te l'a dit, tu dois prendre son khabar en considération. Et son khabar, Inch'Allah, il y en a comme on a pu l'évoquer avant, il est restreint. Hein, il est restreint à partir du moment que l'imam, ou bien la plupart des gens, ils refoulent son jugement, comme on a pu le voir, et doit jeûner avec sa communauté. قال لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته تصمى وأمر الناس بالصيامه رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم كذلك لا يتوتنصفه بخ شيخنا محمد بن حزام حفظه الله تعالى. Donc dans ce paragraphe là nous dit, il nous a évoqué le dalil pour cela, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'une personne t'informe que il a vu le hilal, tu dois prendre sa parole en considération. Il a dit, il a pris pour cela le hadith qui est rapporté par Ibn Umar, dans lequel il dit les gens ont vu le hilal, tamam, ou yani ils essayaient de savoir est-ce que le hilal est venu ou pas. Tara an-nas fi al-hilal, donc ils ont partagé leur point de vue, est-ce que le hilal est venu ou pas, le croissant de lune. Ibn Umar nous dit, j'ai informé le prophète que je l'avais vu, tamam. Il a dit, il a jeûné, il a ordonné les musulmans de jeûner. Le hadith a été apporté par Abu Dawud. De ce hadith-là, il y a une divergence. Dans cette masse-là, il y a une divergence. Est-ce que tu dois prendre en considération la parole d'une seule personne, ou bien plusieurs, ou bien deux, ou il a arrivé. As-Sahih a fait une masse-là, c'est que à partir du moment que deux personnes t'ont informé que Ramadan est rentré, qu'il a vu le hilal, qu'il a vu, qui te fait part qu'il a vu, qu'il a vu le hilal, même qu'il a vu le croissant de lune, à partir de ce moment-là, même, il était obligatoire de prendre son khabar, même si toi tu l'as pas vu le hilal. À partir de ce moment-là, il est obligé de prendre cette information. C'est-à-dire que celui qui délaisse la parole de deux personnes qui sont adl, qui sont connues pour l'équité, et qui sont des musulmans, qui rejettent leur parole, à partir de ce moment-là, si jamais, même si jamais toi tu l'as pas vu, à partir de ce moment-là, tu es athim. Tu as commis un péché. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir, il a ordonné de prendre la khabar de deux personnes. De deux hommes. À partir du moment que deux hommes ils attestent qu'ils l'ont vu, khalas, tu dois prendre en considération leur parole. Et tu ne dois pas la rejeter, même si jamais toi tu ne l'as pas vu. Si tu la rejettes, tu as commis un péché. Tu as commis un péché pour cela. Et ça, c'est l'avis de Barakallahu fikum, de Malik, Walayth, Walauza'i et Kathir min al-Mutaqaddimin. Donc comme ils ont pu dire, il y a à partir du moment que la personne allait balir. C'est-à-dire qu'à partir du moment que la personne est connue comme étant un musulman qui a atteint l'âge de la puberté. Si ces deux personnes-là sont des musulmans et ils ont atteint l'âge de la puberté, tu dois prendre en considération la khabar. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wastashhidu shahidayni min rijalikum » et prenez pour témoin deux personnes parmi les hommes. Et le dalil qui nous prouve que l'équité doit être observée dans cela, « Qalu subhanahu wa ta'ala mimman tardawna min ash-shuhada » Il y en a parmi les gens que vous agréez, parmi les témoins. Donc le fait qu'ils nous disent parmi les gens que vous agréez, parmi les témoins, ceci nous prouve que le fait d'agréer ceux qui témoignent, c'est-à-dire qu'ils sont des gens d'équité, des adala, ils ont de la adala, à partir du moment qu'ils sont connus pour avoir de la adala, c'est dans l'équité comme on a pu l'expliquer avant, à partir de ce moment-là, tamam, tu dois prendre en considération leurs paroles. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit, ce verset-là est une preuve qui nous prouve que la adala, tamam, l'équité, doit être observé lors des témoignages, même, lors des témoignages. Et ça, c'est pour tous les témoignages. Toute personne qui témoigne d'une chose doit être une personne qui est connue de l'adala, qui a une adala, c'est-à-dire qui est connue en bien. Même, comme l'a dit Ibn Umar, ou plutôt Umar, c'est une personne qui n'est pas connue pour s'être fait fouetter, yani, ou bien que des sentences lui sont tombées dessus. Même, ou que c'est un menteur, et l'akhiri, yani, toutes les choses qu'ils font, yani, qui est jugé, yani, comme une personne, comme on dit, un fasiq. L'inverse de l'adala, c'est celui qui est fasiq. Celui qui est fasiq. Et le fousouq fi din kathir. Wa minha, comme l'a dit chez l'imam Shafi'i, à partir du moment que tu sais que la personne, l'obéissance dans cette personne-là, elle prend le pas sur la désobéissance, il dit à partir de ce moment-là, tu peux juger cette personne-là qu'elle est adal. C'est une personne qui est connue pour l'équité. Et il dit les personnes qui sont ni connues pour l'équité, ni connues pour être un fasiq. Est-ce que tu dois prendre sa parole? Il nous dit, Ibn Kathir, tu ne prends pas sa parole car il est mistour. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mimman tardawna min ash-shuhada » Donc la personne que tu ne connais pas, est-ce que c'est une personne qui est adl ou pas? Est-ce que c'est une personne qui est connue pour de l'équité ou pas? À partir de ce moment-là, tu ne dois pas prendre son témoignage yani, en considération. C'est-à-dire deux personnes que tu ne connais pas, ils t'ont dit « J'ai vu al-hilal, j'ai vu le croissant de lune et toi tu ne l'as pas vu », tu n'es pas obligé de prendre en considération sa parole. Tu ne dois pas prendre en considération sa parole. Ça c'est l'avis qui est prépondérant. Et comme on a vu, les dalils pour cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fastashhidu shahidayni min rijalikum. Prenez deux personnes parmi vos hommes, tamam. Et min rijalikum, ceci nous montre que min rijal al-islam, tamam. Min rijalikum min al-muslimin. Ceci nous prouve que l'islam c'est une condition qui a observé dans ce cas-là. Donc la personne qui est connue pour être un kafir, si le kafir revient, même s'ils sont 1000, et t'ont dit j'ai vu le croissant de lune, tu prends pas, si tu n'étais pas obligé de prendre en considération leur témoignage, car c'est des personnes dont l'islam n'a pas jugé et n'a pas pris en compte leur Donc le fikum, leur témoignage. Et ça, c'est la parole d'Ibn Umar, ou plutôt d'Umar ibn Khattab, qui nous dit إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما هلا بالأمس. Et donc on doit prendre en considération qu'on est rentré dans le mois de Ramadan à partir du moment que deux personnes parmi les musulmans ils ont attesté de cela, qu'ils ont vu le croissant de lune. Quant au hadith qu'il a évoqué Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, dans lequel il a dit Nabi sallam, yani lorsqu'il a vu le croissant de lune, Nabi sallam il a gêné, il a ordonné les musulmans de gêner. Les personnes peuvent dire comment on peut vous avez pris en considération les deux musulmans qui doivent attester de cela alors que Ibn Umar il était tout seul. Ibn Umar il était tout seul et Nabi Sassam il a pris sa parole. Les ulama ont dit il n'y a aucune preuve qui prouve que Nabi Sassam il a pris que sa parole en considération. Il se peut, comme ils disent, que d'autres personnes lui ont informé de cela et Nabi Sassam il a ordonné. Et Nabi Sassam, Barda Zalika, l'a ordonné. Et d'autres disent il y en a que Nabi Sassam le fait qu'il a pris en considération, le fait comme sa parole et qu'il a ordonné de juger, de jeûner, il dit donc on doit prendre yani, le cas comme il est, c'est-à-dire que si jamais une personne vient devant l'imam et que l'imam prend en considération son témoignage et qu'il ordonne aux musulmans de jeûner, à partir de ce moment-là, tu dois jeûner. Si jamais maintenant toi tu es face à face à un musulman, il te dit j'ai vu le hilal et toi tu dis je ne l'ai pas vu, il dit dans ce cas-là, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de jeûner que si jamais l'imam yani, il prend en considération la parole de cette personne-là et qu'il ordonne les musulmans de jeûner à partir de ce moment-là. كما قلنا يعني dans le hadith qu'on avait pu évoquer au début du cours, النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم اليوم الذي تصومون, le jeûne ou plutôt le jeûne c'est lorsque vous jeûnez en communauté, hein, donc le fait que l'imam il ordonne, c'est à dire qu'ils vont jeûner, la communauté va jeûner, donc tu ne dois pas te différencier à l'ordre de l'imam. Donc yani la plus préparation c'est qu'à partir du moment, que deux personnes l'ont vu, tu dois jeûner. Est-ce qu'il y en a, on doit prendre en considération le khabar des femmes, dans le cas d'Alika, si jamais deux femmes ont attesté de cela, cas d'Alika, tu dois prendre en considération cela. Il n'y en a pas de farc par rapport à cela. Certains disent non, on ne doit pas prendre en considération le khabar des femmes, parce que les femmes, ou plutôt, il y en a, c'est des choses que tout le monde peut voir. Il y en a, ce n'est pas une chose qui est propre à la femme. C'est-à-dire un homme, il peut voir aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces choses-là, elles sont âmes générales, que l'homme peut le voir et peut attester, il dit dans ce cas-là, on doit prendre en considération que la parole des hommes. Lakin, il n'y a rien qui prouve cela. Donc à partir du moment que yani, les femmes qui sont thiqates nous ont rapporté cela, à partir de ce moment-là, tu dois prendre en considération le khabar des femmes. Lakin, là c'est le khabar de quatre femmes. Car on sait dans l'islam que si jamais ce qui est pris en considération, c'est le témoignage de deux hommes. Donc pour les femmes, c'est le témoignage de quatre femmes, car un homme vaut deux femmes dans le témoignage. Qu'en est-il par rapport, comme on a pu le voir, le témoignage des enfants, à partir du moment qu'il n'est pas marqué comme bad, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint l'âge de puberté, tu dois pas prendre en considération c'est leur témoignage, même s'ils sont 1000, tu ne prends pas en considération le témoignage parce que ce n'est pas des personnes qui ont atteint l'âge de puberté, et la puberté c'est une chose qui est, c'est une condition qui est observée dans le témoignage. Quand le cas, al-kafir, le kafir, je ne prends pas en considération parce que ce n'est pas un musulman. Wallah subhanahu wa ta'ala, fashtashidu shahidain min rijalikum, prenez le témoignage de deux personnes parmi vos rijals, c'est-à-dire parmi vos hommes et parmi les musulmans. Donc le kafir, tu ne prends pas en considération, même si la planète entière, des kuffars, ils viennent te dire qu'on a vu al-hilal, tu ne prends pas en considération. Quand le cas al-fasiq, car on a pu voir al-adala, le fait d'être juste, le fait d'être connu pour l'équité, c'est une condition qui est à respecter. Quand le cas, celui qui est fasiq, tu ne prends pas en considération sa shahada, comme le subhanahu wa ta'ala, naham. ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Ceux qui sont fasiques, qui sont connus pour avoir été fouettés ou bien qu'une sanction leur a été tombée dans l'islam, ou bien qui sont connus pour la désobéissance, même ces personnes-là, tu ne prends pas en considération leur témoignage. On va finir, Inch'Allah, sur la troisième tariqa. قال حفظه الله تعالى التريقة الثالثة, le troisième moyen de connaître si on était rentré dans le mois de Ramadan. قال إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما. À partir du moment, tu sais que Yanni Sha'aban, il a été complété de 30 jours. 30 jours, si jamais tu n'as pas vu le 29e jour, si jamais tu n'as pas vu Al-Hilal, tu n'as pas vu le croissant de lune, tu regardes le 30e jour, et tu ne jeûnes pas. Et le jour qui vient après le 30e jour, tu jeûnes. قال وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من الغيم من غيم أو قطر أو مع وجود شيء من ذلك. Yanni, à partir du moment où tu es dans la 30e nuit de Sha'aban, et tu as tu n'as pas, tu n'as toujours pas vu Yanni, comment ça s'appelle plutôt, Yanni 30e jour de Sha'ban, tu n'as toujours pas vu Al-Hilal. Et il n'y a rien pour cela qui t'empêche de pouvoir voir Al-Hilal. Donc à partir de ce moment-là, il nous dit que tu dois attendre que ce 30e jour, le 30e jour de Sha'ban est fini, et ensuite tu jeûnes le jour qui est après. Il dit les mois sont de 29 jours. Ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous voyez Al-Hilal. Et ne rompez pas le jeûne jusqu'à ce que vous voyez Al-Hilal. Si jamais une chose vous empêche de pouvoir le voir, donc il y en a compté 30 jours. Il dit le mot de Sha'ban est 30 jours. Comme cela a été évoqué dans le hadith de Barakallahu fikum de Abi Huraira, qui est muttafaqun alayhi, ou plutôt rapporté par Muslim al-Bukhari, de laquelle il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si jamais une chose s'est mise entre vous et la vision de Al-Hilal, c'est-à-dire si jamais il y a des nuages ou bien autres qui t'empêchent de pouvoir voir Al-Hilal, pas mal de brouillard et autres, à partir de ce moment-là, Yanni compte le mois de Sha'ban 30 jours. Si jamais il atteint 30 jours, le jour qui vient après, il doit jeûner. Et sur ce, Inch'Allah va se contenter cela. Barakallahu fikum wa nafa'allahu bina wa bikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابي.